le sanctuaire s'ouvre, et les immortels se préparent à écouter Jéhovah. Urim, le plus grand des chérubins, le confident de l'Esprit créateur, se tourne vers Eloah. Son geste est imposant et grave. Sa voix est pleine d'une céleste rêverie. « Que vois-tu, Eloah ? » lui demande-t-il. Et Eloah s'avance et dit, « Là-bas, contre ces colonnes d'or, je vois les tables de la Providence et le livre de vie. Le souffle de l'immortalité soulève ces feuillets sacrés, où mes yeux lisent les noms des chrétiens à venir. Plus loin, s'ouvre le code qui réglera les arrêts du jugement universel. Ces pages terribles s'agitent, semblables aux drapeaux sacrés qui jadis guidaient au combat contre les anges révoltés, les séraphins héroïques et fidèles. Sous ces voûtes d'argent brillent mille et mille flambeaux, symboles des générations rachetées. Urim, tu peux compter leur nombre. Les mondes peuvent contempler les hauts faits des anges. Nous comprenons les ineffables délices des immortels, mais la rédemption est un mystère même pour les cieux. J'aperçois le trône du juge suprême et le feu dévorant, exécuteur des arrêts qui tombent de ce trône. La tempête vivante l'élève sur son estrade de nuages orageux. Grâce, Messie, juge de l'univers, toi qui disposes de la mort éternelle, grâce. La foudre entr'ouvre pour la septième fois le voile impénétrable du sanctuaire, et la voix de l'Éternel se fait entendre et dit, je suis le principe d'amour, je me suis révélé par la création. Je me révélerai de nouveau par la mort de mon fils. À l'heure de cette mort, je vous soutiendrai tous, afin qu'elle ne vous anéantisse pas, vous, pour qui le temps peut finir. » Il se tait, et sa pensée donne au divin Eloah des ordres que le séraphin communique aussitôt aux habitants du ciel. « Soyez bénis, dit Eloah. Vous qui pouvez contempler votre Créateur dans sa miséricorde, osez lever les yeux, lisez votre bonheur sur son front qui s'incline vers vous avec une condescendance paternelle. Tournez vos regards vers Gabriel, c'est pour vous qu'il est venu devant l'autel de la rédemption. Le Fils de l'Éternel a voulu que vous fussiez tous témoins de son sacrifice. Vous allez le célébrer avec nous, âmes vertueuses, qui jadis avez habité la terre. Parmi ceux de vos frères encore enchaînés dans leur enveloppe de poussière, il en est qui persécuteront, qui trahiront le Fils de l'homme. Leurs noms sont depuis longtemps rayés du livre de vie. Un rayon céleste dessillera les yeux des amis dévoués de Jésus. Et ils ne verront plus, dans le sang de la rédemption, qu'un fleuve sacré qui conduit du temps à l'éternité. Partez, anges et séraphins, allez dire aux exécuteurs de la volonté suprême qu'ils se préparent à célébrer les fêtes de la lumière et de la paix éternelle. Et vous, âmes rachetées d'avance par le Messie, et vous, qui êtes ses pères, puisqu'il s'est fait un corps mortel avec les cendres des corps que vous avez laissés sur la terre, afin qu'ils mûrissent pour la résurrection, rendez-vous dans le soleil qui éclaire le point de l'infini où doit s'accomplir le mystère de la réconciliation universelle. Descendez sur ce rayon lumineux et contemplez l'homme-Dieu dans son abaissement, dans ses souffrances. Jéhovah le veut ainsi. Cieux, écoutez-moi, il est arrivé le deuxième jour de repos, le second sabbat, plus grand, plus solennel que le premier. Vous ne l'avez pas oublié, mes frères, ce moment où la nature, à peine achevée, vierge et mère en même temps, devint la nourrice de tous les êtres créés. l'instant où le Messie accomplira son œuvre sera plus grand encore. Hâtez-vous de l'annoncer à l'infini, cet instant que l'Éternel nomme le sabbat de l'Alliance. Note. Tout le monde sait que sabbat est un mot hébreu qui signifie repos, cessation, et que les Juifs ont donné ce nom au septième jour de la semaine, jour que Dieu bénit lui-même après avoir achevé la création, ainsi qu'il est dit dans la Genèse, chapitre 2, note du traducteur. À la voix d'Eloah, les anges et leurs frères immortels, les âmes des patriarches et des bienheureux, se dispersent à travers l'espace. Gabriel seul est resté près du trône. Dieu lui donne des ordres pour l'ange Uriel, le plus grand des génies protecteurs de la terre, et le séraphin s'éloigne pour aller remplir son message. À mesure qu'il s'approche des régions terrestres, Gabriel entend des voix plaintives qui demandent le salut de l'espèce humaine, et parmi ces voix, celle du premier homme est la plus touchante. Plongé dans de profondes méditations sur sa chute, sa pensée embrasse les aéones. Note. Aéon signifie continuel, qui coule toujours, sans fin. Klopstock l'emploie substantivement pour remplacer le mot siècle, dont il ne se sert que pour marquer le temps dans ses rapports avec le monde et ses habitants. Par le mot aéon, qui revient fort souvent dans le poème, il désigne les diverses phases de la création, telles qu'elles existent dans la pensée de la divinité, et que les habitants du ciel les comprennent et les mesurent. La langue française n'ayant point d'expression qui rende d'une manière aussi claire et aussi précise la pensée de Klopstock, on a cru devoir conserver ce mot tel qu'il l'a composé. Note du traducteur. Sa pensée embrasse les aéones du passé et celle de l'avenir. Gabriel vient de descendre sur l'autel terrestre de la rédemption, dont le prophète de la Nouvelle Alliance verra l'image céleste pendant son exil sur les rives de Patmos. Note. Petite île de l'archipel grec. Saint Jean l'Évangéliste, que Klopstock nomme souvent le prophète de la Nouvelle Alliance, y fut exilé par l'empereur Domitien, l'an 95 de Jésus-Christ. Ce fut pendant son séjour dans cette île qu'il écrivit son Apocalypse, dans une grotte située au bord de la mer. Près de cette grotte, les chrétiens bâtirent plus tard un couvent qui porte encore aujourd'hui le nom de couvent de l'Apocalypse. Note du traducteur. Tandis que les rochers de ses rives lui rediront les plaintes des martyrs et les larmes des âmes sauvées, qui demanderont au juge suprême de retarder le jour de la vengeance. Note. Allusion au chapitre 6 de l'Apocalypse, où saint Jean l'Évangéliste parle de l'autel de la rédemption qui, dans ses visions, lui apparut tel que Klopstock le décrit ici. Note du traducteur. Le corps qui enveloppe l'âme d'Adam n'est qu'une nuée vaporeuse, et cependant il est suave et beau, comme l'image qui flottait dans la pensée éternelle, quand la terre d'Éden, exhalant avec un doux frémissement la surabondance de sa vie nouvelle, se transforma sous la main du Créateur pour réaliser sa pensée. Agité par l'espérance et par la crainte, Adam s'avance vers Gabriel d'un pas incertain et dit « Salut, bienheureux Séraphin, à ton aspect, mon âme se gonfle de bonheur, car je connais la mission que tu vas remplir. Ah, que ne puis-je te suivre et contempler à tes côtés le Messie sous l'humble forme qu'il a choisie pour racheter les hommes que j'ai perdus. Que ne puis-je arroser de mes larmes la place où il prie, où il souffre pour eux. Que ne puis-je la revoir, cette terre où j'ai reçu la vie. Je les trouverai plus belles que les vallées d'Éden, ces plages dévastées par l'anathème de la mort, car elles portent l'empreinte des pas du Rédempteur. » Et Gabriel répond, « Je lui ferai part de tes vœux. J'espère qu'il daignera te permettre de contempler la gloire céleste dans son abaissement volontaire pour sauver ta race. Adam le remercie par un sourire mélancolique, et le séraphin reprend son vol vers la terre. Terre bienheureuse, des voix sortant de l'infini la proclament la reine des mondes, l'amie des cieux, la confidente du Messie, qu'il a choisi pour y accomplir son sublime sacrifice. Déjà les étoiles voyageuses l'entourent de leur douce clarté matinale, mais la fraîcheur et le sommeil séjournent encore dans les vallées, et d'épais nuages couronnent la cime des montagnes que Gabriel effleure de ses pieds. Repliant aussitôt ses ailes d'azur, il marche, il s'avance, il cherche le Fils de l'Éternel, et le trouve endormi dans un des plus sombres ravins du mont des Oliviers. Frappé d'admiration, il s'arrête et l'adore en silence. Le calme et l'amour céleste respirent sur le visage du Messie, embelli de tout l'éclat que le reflet de la divinité peut donner à la forme humaine. Un sourire mélancolique et bienveillant effleure ses lèvres. Une larme étincelle à sa paupière fermée et décèle l'ami des hommes. Le sommeil, en le couvrant de ses pavots aux nuances douteuses, cache le Dieu même aux yeux de Gabriel. C'est ainsi que la terre, quand le crépuscule d'une soirée printanière l'enveloppe, apparaît à l'étoile polaire, qui s'élève au-dessus d'un horizon désert, et invite le sage à quitter sa retraite paisible, pour la contempler, épuiser dans ses rayons mystérieux le pressentiment de l'immortalité. S'arrachant enfin à son extase, le séraphin s'adresse au médiateur. Ô toi qui m'entends, quoique ton enveloppe mortelle soit assoupie, j'ai ponctuellement exécuté tes ordres. J'ai rencontré sur mon passage le premier homme, et je t'apporte son humble prière. Puisse ta miséricorde te permettre de l'exaucer. Puis il s'éloigne doucement pour annoncer le jour du grand sacrifice à l'auguste assemblée des génies de la terre qui, réfugiés dans l'asile le plus mystérieux de leur domaine, y exécutent en silence les décrets de l'Éternel. Mais, avant de quitter les lieux sanctifiés par la présence du Messie, Gabriel leur ordonne de respecter son repos, et sa pensée d'ange dit à la nature, « Vous tous qui existez ici-bas, soyez attentifs et silencieux, car les instants rapides que le Sauveur doit encore passer parmi vous pèseront davantage dans la balance du temps que les siècles incalculables qui les ont précédés. Retenez votre haleine, brise matinale, tais-toi, solitude des tombeaux, ou du moins ne fais entendre qu'un doux murmure. Voûte des rochers, que vos échos soient muets et que votre sein exhale une fraîcheur plus suave. Cèdre majestueux, bosquet fleuri, ne bruissez pas en répandant vos ombres embaumées. Silence, univers, silence, devant la divinité qui sommeille. Terre sanctifiée que j'habite, ô toi, mère féconde qui, plaçant tes innombrables enfants sur les ailes des siècles, ces sublimes oiseaux de passage de l'éternité, les envoie chercher dans l'infini l'accomplissement de leur mystérieux destin, tandis que tu ensevelis les formes que tu leur avais prêtées sous des tertres funèbres, où jamais le voyageur fatigué ne vient se reposer. Que tes anges gardiens, que le divin Eloa, protecteur de ces anges, me pardonne, si j'ose dévoiler aux mortels le sanctuaire des esprits bienfaisants qui veillent sur eux. La muse de Sion a daigné m'en montrer les détours. Si jamais, dans les ineffables voluptés des contemplations solitaires, ma pensée a touché au cercle lumineux des pures extases, si elle a parlé et compris le langage des âmes, oh alors, divin Eloa, écoute-le un instant, le poète, si audacieux dans sa timidité. il n'essaye pas de célébrer dans ses chants les gloires éphémères des mortels. Permets-lui d'introduire les initiés de la mort, les initiés de la résurrection, dans l'assemblée solennelle des gardiens du point de l'infini qu'habite la race d'Adam. Non loin du pôle arctique, le silence, le froid et l'inaction ont creusé un lit profond et ténébreux. De sombres nuages en découlent sans cesse et vont se perdre dans l'infini, semblables aux vagues d'un fleuve qui se précipite dans la mer. C'est là que dort minuit, tel, sous les ténèbres que jadis Moïse étendit sur l'Égypte, dormait, et le Nil dans ses 14 rivages, et les pyramides éternelles, orgueilleuses tombes des rois. Jamais aucun œil mortel n'a plané sur ces contrées inhabitées. Jamais aucune voix humaine n'a troublé le silence de sa nuit sans fin. Pas un mort n'y sommeille, pas un mort ne s'y réveillera. Les séraphins seuls les visitent parfois. Semblables aux astres nageant dans un ciel orageux, ils jettent de longues traînées de lumière à travers ces ténèbres. Quand ils y marchent, plongés dans de prophétiques rêveries sur les futures félicités de l'espèce humaine. Au milieu de cet immense désert s'élève un portique mystérieux. C'est l'entrée du domaine des génies de la terre. Quand, après une longue suite de journées brumeuses, le soleil d'hiver, pour donner une fête à la terre attristée, se montre tout à coup, oh, alors le voile qui enveloppait les diamants et les rubis que les frimas sèment à pleine main tombe, et les montagnes glacées, et les champs couverts de neige, et les forêts avec leurs festons de givre, étincelle d'un éclat surnaturel. Et la terre s'embellit d'un reflet de la beauté universelle. C'est ainsi que sous les pas de Gabriel brillent les monts nocturnes dont les gouffres profonds renferment la couche ténébreuse de minuit. Il les traverse. Il franchit le portail mystérieux dont les battants se sont ouverts d'eux-mêmes et qui se referment aussitôt. Maintenant, il marche dans les entrailles de la terre. Des océans amoncelés roulent lentement devant lui, vers des rives où rien ne se meut, où rien ne respire. Leurs fils, les fleuves rapides, les suivent en mugissant comme les orages qui s'élèvent au-dessus des déserts et se perdent dans l'espace. Le séraphin se présente à l'entrée d'un second portique, construit avec des nuages grisâtres. L'édifice recule devant lui, ses nuées se dilatent en rayons célestes, et les ténèbres flottantes qui servent de route au séraphin reproduisent l'empreinte de ses pas en flammes vacillantes, dont le reflet lui montre l'entrée d'une voûte immense qui s'arrondit dans le centre du globe terrestre. Un souffle divin a formé l'atmosphère de cette voûte, au milieu de laquelle se meut doucement un soleil dont les rayons portent la vie et la chaleur dans les veines de la terre. C'est à ce soleil mystérieux qu'elle doit les fleurs dont elle s'émaille au printemps, les épis que l'été courbe sous le poids des trésors qu'il mûrit, et les pampres aux fruits pourprés dont l'automne décore les monts et les collines. Jamais ce soleil ne quitte son horizon. Une matinée éternelle découle de son sourire éternel. Les génies qui l'habitent lisent dans la forme des nuages les ordres et les consolations que Dieu leur envoie. Jéhovah parle à ces esprits bienfaisants comme ils parlent à leurs jeunes frères établis sur la surface du globe, quand, après l'orage, ils tracent l'arc-en-ciel sur la voûte azurée. Gabriel est arrivé sur ce soleil, inconnu aux enfants d'Adam. Les immortels qui l'habitent se pressent au-devant de lui. À leur visage sévère, à leur allure imposante et sombre, le séraphin reconnaît les génies de la guerre et de la mort. Leurs bras inexorables conduisent à travers les labyrinthes du destin le fil mystérieux qui rattache à la volonté divine les actions que, dans leur aveugle orgueil, les rois et les héros attribuent à leur propre force. Un maintien plus doux, un sourire mélancolique, révèlent à Gabriel les gardiens des mortels vertueux. Quand le sage, fuyant le tumulte et les joies éphémères du monde, interroge les livres de l'avenir et médite sur les hautes destinées de l'humanité, ces génies bienfaisants veillent près de lui. Parfois, aussi, ils se mêlent aux réunions solennelles où de fervents chrétiens célèbrent le pacte fraternel cimenté par le sang de la rédemption. Et quand la mort, après une lutte cruelle, imprime enfin le cachet de sa victoire sur l'enveloppe dont l'âme qu'elle captive ne se sépare jamais qu'avec douleur, ses anges gardiens la consolent en lui annonçant que la nature, vaincue par la mort ici-bas, trouvera dans les débris de sa destruction les éléments d'une vie nouvelle. Guidées par leur céleste protecteur, des âmes jeunes et timides viennent se placer à l'ombre des ailes du séraphin pour l'entendre parler de la terre où souffre Jésus, leur divin ami. Cette terre, leurs regards craintifs l'ont à peine entrevue. Elle n'avait connu encore de la vie que les pleurs et le sourire du premier âge, quand le glaive du plus redouté des anges est venu les arracher de leur corps d'enfant. Les génies de la terre ont conduit dans leur soleil mystérieux ces jeunes âmes trop faibles encore pour paraître devant l'Éternel. Là, les cordes des harpes d'or et les chants sublimes qui se mêlent à ces douces mélodies leur apprennent de quel divin foyer l'âme humaine s'est échappée, à quelle perfection elle peut atteindre, et avec quelle impatience les âmes des pères, mûries par le temps, attendent leurs enfants dans les régions élevées des cieux. C'est ainsi que les candides élèves de ces bienfaisants génies arrivent à cette haute sagesse, dont les hommes ne poursuivent souvent sur la terre que l'ombre éblouissante et trompeuse. Gabriel transmet aux génies de la terre les ordres de l'Éternel, et la joie, la douleur et la reconnaissance les plongent dans une douce extase. Mais deux jeunes âmes fraternelles expriment ainsi leurs sensations avec la naïveté de leur âge. L'homme divin, dont le séraphin vient de parler, demande l'une d'elles, n'est-il pas le même Jésus que nous avons vu sur la terre, l'ami bienveillant qui m'a pressé sur son sein, tandis que ses yeux laissaient échapper des larmes que mes baisers faisaient disparaître? Et l'âme du jeune frère répond, « Oui, c'est le même Jésus. J'entends encore sa douce voix dire à nos mères rangées autour de nous, « En vérité, je vous le dis, devenez comme des enfants, ou vous n'hériterez pas du royaume de mon Père. » Note. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18. Note du traducteur. Il était notre frère sur la terre, il sera notre père dans les cieux. Les deux enfants s'embrassent en pleurant de joie, et Gabriel déploie ses ailes pour aller porter à d'autres mondes son message de paix et d'alliance. Les lumineuses émanations qu'il laisse après lui le rendent longtemps encore visible aux génies de la terre. C'est ainsi que les habitants de la lune distinguent les rayons que notre globe projette sur la cime de leurs montagnes, à travers les nuées transparentes de leur nuit. Bientôt, le séraphin atteint une atmosphère plus vaste. Rapide comme la flèche lancée par l'arc d'or de la victoire, il traverse les constellations, effleure les étoiles, plane au-dessus du soleil, et s'arrête sur le pinacle du plus beau de ses temples. Là sont réunies les âmes des patriarches, dont les regards impatients se mêlent aux rayons du soleil et descendent avec eux dans les vallées de Canaan. Note. Nom sous lequel on désignait d'abord la Palestine, parce qu'elle était habitée par les Cananéens, c'est-à-dire par les descendants de Cham, troisième fils de Noé. Elle fut aussi appelée terre promise, parce que Dieu en avait assuré la possession à Abraham et à sa postérité. Après avoir défait les Cananéens et les autres peuples, qui alors étaient établis dans la terre promise, Josué la partagea en 12 tribus, et elle prit alors le nom de terre des Hébreux. Les Grecs et les Romains l'ont appelée Palestine parce que ce fut avec les Palestins, ou Philistins, qu'ils établirent leurs premières relations commerciales. Au retour de la captivité de Babylone, les Hébreux, qui étaient presque tous de la tribu de Juda, donnèrent à l'ancienne terre de Canaan le nom de Judée. Les chrétiens l'appelèrent terre sainte, parce que ce fut là que naquit et mourut Jésus-Christ. D'après les livres saints, cette contrée célèbre a servi deux fois de berceau au genre humain, car c'est là que fut le paradis terrestre, et ce fut là aussi que s'arrêta l'arche de Noé après le déluge. Note du traducteur. Et descendent avec eux dans les vallées de Canaan, pour y réveiller la première heure du jour, encore doucement assoupie sur le duvet diaphane du crépuscule. Adam, fils de la pensée de Dieu et du réveil de la terre, préside cette auguste assemblée. En attendant l'instant où le mont des Oliviers se dévoilera à leur regard, Gabriel et le génie du soleil s'entretiennent avec lui des sublimes destinées qui attendent l'espèce humaine. Fin du chant